On était parti, on n'était pas là. Alors on avait laissé le répondeur. Alors vous pouvez, si vous voulez, nous laisser un très joli message après le bip sonore. Oh, oh.